Ne rien prendre pour acquis. Donc, c'est le titre de l'enregistrement présent qui est réalisé au mois d'octobre de l'année 2024. Donc, ce qui est important, et c'est ce que je réalise au fil du temps d'une manière de plus en plus approfondie, c'est l'importance de rien prendre pour acquis. Il y a sans doute des gens qui vont écouter l'enregistrement présent, vont dire, voyons, c'est simple, c'est évident comme principe. Et donc, il y avait même le Bouddha qui parlait à travers sa philosophie de l'impermanence du monde et de l'importance d'être capable de composer avec l'impermanence du monde. Oui, bien, c'est pas, à mon avis, c'est évident que ça, parce que les égos ont tendance à s'attacher à des gens, à des situations. On a tendance aussi, en tant qu'être humain, à avoir des désirs. Et c'est sûr que ne rien prendre pour acquis, c'est à plusieurs niveaux. Faut pas prendre pour acquis sa santé. Faut pas prendre pour acquis sa famille. Les gens peuvent décéder du jour au lendemain ou cesser leurs activités, que ce soit à différents niveaux, que ce soit de la diffusion web ou peu importe. Il y a des enregistrements qui, du jour au lendemain, peuvent disparaître du web et, quelques jours après, réapparaître. Être capable de composer avec ce type de réalité, ça fait partie de l'importance de rien prendre pour acquis. D'où l'importance de savourer le moment présent, parce que chaque moment présent qui passe est unique. Donc demain, on ne peut pas prendre pour acquis que le moment va être agréable et on sait encore moins pour après-demain, ainsi de suite. Donc, il faut composer avec l'impermanence du monde. Rien prendre pour acquis, ben, c'est aussi en lien avec le rapport qu'on a à des gens. Comme moi, par exemple, il y a quelques années, après avoir fait de nombreuses entrevues avec Marc de la Salle dans le domaine de la diffusion de la conscience supramentale, j'apprends du jour au lendemain qu'il est décédé à l'âge de 56 ans. Il n'y a rien qui me laissait présager ça, donc ça m'a créé un choc. Même chose pour il y a quelques semaines, Pierre-Luc, quoique Pierre-Luc était plus avancé en âge, là. Donc, c'est sûr que plus que la personne avance en âge, plus qu'à un moment donné, bien, on se dit que la personne va finir par décéder. C'est tout à fait normal. Donc, ces deux individus que j'ai appréciés en particulier, interagir avec eux dans le cadre de nombreux enregistrements que j'ai produits en leur présence sur plusieurs années. Donc, rien prendre pour acquis aussi, c'est qu'à un moment donné, Marc de la Salle, avec qui j'ai fait des entrevues là, pendant près de 9 ans, une période qui s'échelonnait sur 9 ans, là, pas à tous les jours pendant 9 ans, mais je veux dire sur une certaine période de temps à intervalles réguliers, eh bien, lui, à un moment donné, il avait canalisé que ses affaires allaient commencer à lever, etc. Il avait un enthousiasme pour l'avenir en lien avec ses activités de diffusion web et naturellement, ça ne s'est pas confirmé. Il n'a jamais vécu de ses enregistrements d'une manière décente et probablement que moi non plus. Et c'est la raison pour laquelle que faut pas que je prenne pour acquis que si je fais de la diffusion web, qu'à un moment donné, j'en vivrai décemment. Et pour ne rien prendre pour acquis, ben, l'une des façons de tâter le terrain par rapport à certaines choses, ben, c'est de faire des tests de réalité. Donc, il y a des gens qui vont se lancer, ils vont écrire des livres. Bon, si le livre ne se vend pas, ça donne une mesure que ça répond peut-être pas nécessairement autant qu'ils pensaient aux besoins du public. Donc, j'ai des gens que je connais dans le domaine de la diffusion de la conscience qui ont écrit des livres, qui ne se sont pas vendus. Dans certains cas de personnes, j'ai l'impression qu'ils sont plus motivés que le public pour diffuser. Et c'est sûr que à ce moment-là, c'est pas nécessairement rentable. Même chose pour la location de salles de conférence ou le sens de donner une conférence dans le sens que la personne paye de sa poche parce que elle a le retour par rapport au montant que les gens de l'assistance payent versus le coût de la salle n'est pas rentable. Bien, ça, j'ai vu ça chez des conférenciers dans le sens que si ça coûte, par exemple, 250$ ou 300$ à l'époque, là, c'est pas des chiffres de 2024 pour louer une salle, et que la personne a un retour de 200$, alors que ça y prend au moins 250 pour être rentable, bien, la conférence au niveau financier n'est pas rentable. Mais, en fait, tout ça pour dire quoi? Bien, la conscience, dans le fond, c'est quelque chose d'individuel, à la base. il faut rien prendre pour acquis dans le sens que le collectif va pas nécessairement être intéressé par rapport à ça. C'est pas parce que ça nous intéresse que ça va intéresser d'autres personnes, et c'est correct comme ça aussi. Puis en même temps, ben, il y a des gens qui sont très critiques, très pragmatiques par rapport à la conscience. Et avec le temps, ben, c'est sûr que dans mon cas, ben, j'intègre un peu plus leur point de vue très terre à terre. Dans le sens que je peux discuter avec quelqu'un qui va me dire, ben, tu passes trop de temps à faire des enregistrements liés à la conscience, tu devrais plus t'intéresser à la bourse, au moins tu ferais de l'argent avec ça. Bon, ben, la personne, il faut que je prenne le temps de l'étudier. Là, aujourd'hui, j'étudie la bourse, je continue d'étudier la conscience, puis en effet, il y a des opportunités d'affaires intéressantes là, avec la bourse. Bon, c'est sûr qu'au moment où je vous parle, au mois d'octobre 2024, les marchés sont haussiers. Si on prend les indicateurs que sont le TSX pour le Canada, le Nasdaq pour ce qui est du SP500 aux États-Unis, donc les 500 plus grandes capitalisations, oui, le marché est haussier. Fait que c'est facile présentement d'investir de l'argent puis voir le capital grandir. Mais il ne faut rien prendre pour acquis au niveau de la bourse. À un moment donné, il y aura peut-être une correction boursière de 10 ou 30 en relation avec le fait que le marché a été haussier pendant plusieurs mois. Et là, c'est là que la différence entre la personne qui est enthousiaste subjectivement avec la bourse versus l'investisseur professionnel apparaît, dans le sens que la personne qui a une curiosité pour la bourse, ça, il va peut-être vivre un état de tristesse, de déception, tandis que l'autre qui investit pour long terme, qui est capable de regarder les choses froidement par rapport à des tendances de croissance. Si on prend par exemple le SP500, où j'avais vu des chiffres que sur au-delà de 40 ans, c'est une moyenne de 10% de rendement, ben, la personne, ça ne l'empêche pas de dormir. Mais pour se partager, disons, celui qui veut être professionnel, amateur, ben, c'est les tests de réalité. Ce que je dois dire, c'est que dans la vie, l'une des plus grandes leçons que j'intègre, c'est l'importance de rien prendre pour acquis. Dans le sens que c'est pas parce que ça va bien à un moment donné dans la bourse que ça va être de même tout le temps. Ou même chose dans le domaine de la conscience. À un moment donné, j'avais discuté avec quelqu'un qui, lors des années 1990, me racontait qu'il avait fait beaucoup d'argent parce qu'il y avait une période où c'était à la mode de faire des thérapies par rapport à des régressions hypnotiques pour aller voir dans les vies antérieures ce que la personne avait été. Donc, et il y avait eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Puis c'était des consultations là, qui étaient quand même assez lucratives pour lui. Donc, il y a eu une demande qui lui a permis de faire de l'argent, vivre décemment avec ça. Puis après ça, ben, c'est fini. C'est comme s'il y avait un effet de mode par rapport à ça, une curiosité du public, mais qu'elle n'a pas perduré à long terme. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, quelqu'un qui, par exemple, lâche un emploi salarié pour se consacrer à faire des lectures de vie antérieure, puis là, la personne est confrontée ensuite à la baisse du public, de son intérêt, parce qu'un effet de mode, ben là, soit qu'elle reprend un emploi salarié, mais est confrontée. Fait que c'est sûr que avant de lâcher un travail pour se consacrer à la conscience, ben il faut y penser deux fois. Puis une des façons, ben, de voir si ça vaut la peine ou pas, ben, c'est des tests de réalité. Dans le sens qu'une personne peut demander des contributions financières au public, voir si les gens en donnent ou en donnent pas. Ensuite, la personne peut écrire des livres, voir si ça se vend ou ça se vend pas, donner des conférences. Mais il y a des gens qui passent plusieurs tests de réalité, puis ça lève pas, mais ils continuent pareil. Fait que là, ils s'enlisent dans certains cas dans des problèmes d'endettement ou des problèmes financiers qui les amènent à vivre dans un état de pauvreté. Mais ça fait partie de leur expérience. Donc, moi, je vis mes expériences, comme beaucoup de personnes qui m'écoutent. Mais le fait de rien prendre pour acquis, ça peut être dur parfois, dans le sens que les gens qui, par exemple, toute leur vie ont payé des impôts, ont payé des taxes au Québec, ont été, entre guillemets, des bons citoyens, ben, rendus à l'âge de 70 ans et plus, où là, ils commencent à avoir besoin de soins de santé plus importants, ben, les personnes qui croient que vu qu'elle s'est dévouée au système, qu'elle n'a pas fait de travail au noir, qu'elle a été honnête, qu'à chaque année, elle payait toujours ses impôts, et ainsi de suite. Bon, ben la personne qui, à un moment donné, a besoin de soins, c'est-à-dire après avoir contribué pendant une bonne partie de sa vie au système, elle a besoin qu'il y ait un retour au niveau de la santé, et que la personne est confrontée à des délais d'attente pour avoir accès à des médecins, des spécialistes, etc., ben c'est là qu'elle peut vivre un choc de réalité. Dans le sens que récemment, ma mère me confiait qu'elle avait parlé avec une femme et elle a rencontré un médecin à Québec parce qu'elle a des problèmes aux genoux, donc un médecin orthopédiste, et le médecin lui a dit « Si je t'opère dans le public, tu vas attendre environ un an avant l'opération. Et si tu vas à la clinique privée et je t'opère, donc la même personne qui fait l'opération dans le privé, tu vas passer tout de suite, mais ça va te demander 25 000 $ Donc ça, c'est le système de santé à deux vitesses. C'est sûr que quelqu'un qui entend parler de ça pour la première fois va dire « ben c'est une aberration, surtout que ça coûte tellement cher de... » Les impôts, les taxes au Québec, on est un des endroits les plus taxés et imposés dans le monde. Mais dans les faits, quelqu'un peut passer toute sa vie à contribuer pour un système puis prendre pour acquis qu'au moment où il va avoir besoin de soins, il va les avoir. Et il les aura peut-être pas dans un délai rapproché. La personne, ça faisait, dans le fond, ce qu'elle me racontait, ma mère, ça faisait 2 ans qu'elle attendait pour être opéré au genou. Là, elle revoit le médecin encore une année, donc ça ferait un total de 3 ans dans le réseau public, ou elle va dans le privé puis elle passe tout de suite. Comme elle était tannée d'attendre, ben, elle va dans le privé. Mais pour avoir l'argent, ben, il faut économiser, il faut faire soit des placements où il y a des gens qui, que ce soit la bourse, que ce soit dans le domaine immobilier. C'est sûr que c'est une des raisons qui m'a amené à m'intéresser au placement, entre autres, boursier, ce qui a fait que j'ai fait des capsules en lien avec ça là, dans les dernières semaines. Il y a certaines personnes qui peuvent écouter ça, vont dire ben, « Regarde, tu t'astralises avec l'argent, avec le désir de faire de l'argent. » Ça peut être possible à un certain niveau, sauf que la personne qui n'en fait pas, puis qui prend pour acquis que quand il va être rendu à l'âge de la retraite, il va avoir accès à des soins de santé décents, ben il risque de vivre un choc comme la madame, là, qui se ramasse à payer 25 000 $ pour une opération au genou ou autre. Tout ça pour dire quoi? Ben, moi, dans l'optique de rien prendre pour acquis, je suis plus dans une optique de prévoyance et de pas prendre pour acquis que ce soit les forces éthériques ou les autres êtres humains ou les systèmes sociaux, comme le gouvernement du Québec, qui va prendre soin de moi. Donc, c'est sûr que je suis plus dans une perspective individualiste. Il y a des gens dans la haute spiritualité. J'ai, par exemple, un cousin qui est moine bouddhiste. Donc, il est né catholique. Il a lâché la religion catholique pour se consacrer au bouddhisme. Et il a fait ses vœux. Il a fait le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Sauf que le problème du vœu de pauvreté, là, c'est que si à un moment donné, lui, il est malade, puis il a besoin d'une opération comme moi, j'en ai eu besoin... l'année passée, parce que j'ai été opéré au privé, puis naturellement au public, ben j'ai jamais eu de nouvelles. Par rapport à, dans le fond, une obstruction de mon urètre, ça n'a pas été une opération agréable, mais qui était nécessaire compte tenu de ma situation. J'ai de la difficulté à uriner. Bon, ben s'il est confronté à ça, peut-être qu'il trouvera pas drôle son affaire de vœux de pauvreté. Donc, parce que ça a ses limites. La haute spiritualité, c'est quelque chose qui a ses limites aussi, dans le sens que quelqu'un qui dit « ben moi je suis pur, je ne suis pas à l'argent, je ne demande pas de contribution financière pour mes activités de diffusion, je fais tout ça bénévolement, etc. » La même personne, elle avance en âge. Souvent, quand les gens vieillissent, ils commencent à avoir des problèmes de santé. Puis là, la personne a besoin d'opérations, puis là, le réseau public ne la soutient pas ou ne répond pas à ses besoins. C'est là qu'elle vit son choc de réalité. Et puis, pour ce qui est de mon cousin, ben lui, il a bénéficié quand même. Ma grand-mère est décédée, grand-mère maternelle, mais lui, quand dans son cas, il y avait des problématiques. Donc, elle lui a déjà donné de l'argent. À un moment donné, il était malade dans un autre pays. Puis il avait besoin de l'argent pour revenir au Canada, bon, ben, elle a déjà donné un soutien. Sauf que là, ma grand-mère qui était généreuse est décédée. Fait que là, ces histoires de vue de pauvreté, surtout que le problème de peau que j'ai au niveau du pénis, les lichens sclérus atrophiques qui m'ont demandé une opération de l'urètre l'année passée, Ben, j'ai l'impression qu'une composante héréditaire, parce que, dans le fond, il y a mon grand-père maternel, puis lui, c'est le cousin du côté maternel. Bon, ben, il y avait eu ce type de problème-là. Fait que peut-être que lui aussi, il pourrait être confronté à ça de par la même génétique que nous partageons. Fait que, tu sais, l'histoire du jeu de pauvreté, ça, j'embarque pas là-dedans. Il y a des gens qui vont dire, ben là, tu t'intéresses à la bourse, tu es à l'argent. Oui, mais c'est parce qu'on vit dans une société qui fonctionne avec l'argent. C'est ainsi. Mais c'est souvent à travers des chocs, comme la madame, la madame qui, elle se ramasse à passer l'âge de 70 ans, c'est toujours comme considérée bonne personne, puis là, elle se ramasse à payer de sa poche un montant d'argent élevé ou etc. C'est là que les gens viennent à des formes de choc de réalité qui les amènent à des réalisations puis à des prises de conscience importantes. C'est qu'il faut rien prendre pour acquis. Moi, je prends rien pour acquis par rapport au public sur le web qui écoute mes enregistrements. C'est la raison, entre autres, pour laquelle je n'ai jamais lâché un emploi salarié. Je pense que ça ne sera pas demain la veille. Donc, mes activités de diffusion web ne me permettent pas, puis même s'ils me permettraient de vivre décemment, un peu comme le gars qui, je racontais tantôt, qui faisait des sessions d'hypnose régressive en lien avec ce qu'il appelle des vies antérieures. Bon, ben, lui, il a vécu de ça avec une certaine abondance, une certaine période de temps, puis après ça, il a pu être en mesure de ça. Donc, quelqu'un qui lâche son travail sous le coup d'enthousiasme parce que son chiffre d'affaires augmente dans les consultations. Puis après ça diminue, puis il n'y a plus de revenus. C'est pas nécessairement très intelligent à un certain niveau pratique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence pratique. Mais c'est sûr qu'on peut regarder les choses en évaluant des polarités. Dans le sens que quelqu'un qui est dans la polarité de s'élever spirituellement en se délaissant de l'argent, parce que au niveau de la philosophie bouddhiste, quelqu'un qui est détaché de l'argent, ben, il ne donne plus le pouvoir à l'argent de souffrir. Fait qu'il y a de l'argent, dans le fond, vu que le fait qu'il n'y a pas d'argent, ben, il n'est pas attaché à l'argent en tant que matière. Et à ce moment-là, il n'y a pas le désir de l'argent, ce qui fait qu'il souffre moins psychologiquement d'une autre personne. Donc ça, c'est une perspective. Par contre, la personne qui n'a pas l'argent pour se payer des soins de santé décents puis qu'elle souffre concrètement dans son corps, ça, c'est un autre problème. Mais quelqu'un peut arrêter une souffrance psychologique, mais vivre une souffrance physique ou vice-versa. Dans un sens, quelqu'un peut dire, ben, comme là, dans les derniers temps, je passais beaucoup de temps sur la bourse, aller voir ça plusieurs fois par jour. Ben, quelqu'un peut dire, ben, toi, tu te fais astraliser par ça parce qu'à ce moment-là, si tu passes beaucoup de temps sur la bourse, ça peut t'amener à négliger, par exemple, ta famille, tes habits, etc. Dans un sens, oui. Mais dans un sens, quelqu'un peut s'astraliser aussi ou, dans le fond, se polariser par rapport au fait qu'il fait vœu de pauvreté, puis à ce moment-là, ça le rend aveugle à certaines nécessités de la vie. Fait que chacune des postures a ses limites par rapport à la réalité. Il y a une personne de mon environnement qui va critiquer mon côté plus diplomate, conciliant que je fais preuve souvent dans le quotidien. Mais en même temps, ben moi, de mon côté, je peux critiquer son côté intransigeant qu'il peut avoir. Dans le sens que quelqu'un peut toucher une polarité, puis on peut toujours critiquer par rapport à l'autre polarité. Donc, quelqu'un qui est beaucoup dans le côté yin, l'ouverture aux autres, peut se faire critiquer par celui qui est yang en disant, ben, t'es pas assez affirmatif, intransigeant, fonceur. Puis l'autre qui est plus fonceur, ben, peut se faire critiquer par l'autre qui est plus yin par rapport au fait qu'il est pas assez dans l'ouverture aux autres. Et c'est sûr que pour ce qui est de la question de l'intransigeance versus l'ouverture aux autres, c'est délicat parce que chacun de sa perspective peut évaluer qu'il a raison. Quelqu'un qui peut dire, par exemple, qu'il est rendu très élevé dans la conscience, qu'il est passé à un autre niveau que les gens qui sont spirituels ne comprennent pas, puis qu'à quelque part, il est supporté par le double éthérique et une légitimité vibratoire pour, dans le fond, avoir une capacité de critique absolue des gens qui sont prisonniers dans une psychologie et la personne peut chercher à imposer aux autres, au nom des sorties de la spiritualité, sa vision du monde, mais toujours sur l'idée d'affranchir des autres de l'esclavage astral, puis l'autre qui est dans une vision plus conciliante. Et va chercher à dire à l'autre, ben là, c'était tout le temps intransigeant, tu vas te ramasser tout seul, dans le sens que ce soit ta compagne, que ce soit tes enfants, collègues de travail, il n'y a Il n'y en a pas un maudit qui va répondre à tes critères ou à tes standards élevés. Donc, à ce moment-là, tu vas rester tout seul. Puis l'autre va dire, ben oui, je suis capable de contenir la solitude. Puis après ça, il peut confronter l'autre en disant, ben, es-tu intelligent d'exister sur Terre dans la solitude puis passer son temps tout seul devant l'ordinateur? L'autre peut dire oui, parce que ça me préserve de l'astralité ambiante. Ça m'empêche d'être en contact avec des gens qui sont lourds, qui me vampirisent mes énergies. L'autre peut confronter et puis revenir à charge en disant, ouais, mais à quoi ça sert de vivre sur Terre si t'es tout le temps tout seul? À un moment donné, ça a ses limites aussi. Donc, mais chacun vit ses expériences. Quelqu'un qui se replie lui-même pendant des années de temps à vivre une vie monastique devant l'ordinateur, ben, ça fait partie de son expérience. L'autre qui fait vœu de pauvreté, ça fait partie de son expérience. Puis l'autre qui peut faire vœu de richesse, avoir la volonté d'être riche par des placements en bourse, pour faire face aux aléas de la vie puis aux contre-coups. Ça fait partie de son expérience. Puis à un moment donné, ben, on peut discuter avec des personnes, chacun a sa perspective, puis chacun peut toujours argumenter, puis on prend les choses d'une certaine perspective pour dire, ben, ce que tu fais, c'est astralisé. Donc, quelqu'un qui, dans un sens, qui est à l'argent, c'est astralisé, puis quelqu'un qui n'est pas à l'argent, par raison de vue spirituelle, c'est astralisé aussi. Fait que là, tout ça devient extrêmement subtil, tout dépendant quelle perspective qu'on a par rapport à quelque chose. Mais tout ça pour dire quoi? C'est pour dire qu'il ne faut rien prendre pour acquis et que, de ma perspective, on n'est pas intelligent tout seul. C'est sûr que par rapport à ça, c'est souvent à travers les expériences de vie, le volet expérientiel de la vie, qu'on en a une mesure. Dans le sens que si quelqu'un, par exemple, demande des contributions financières en lien avec une activité de diffusion web, puis il n'y en a pas, ben, à ce moment-là, ça donne une mesure que c'est peut-être pas le temps qu'il lâche son emploi salarié, qui n'a aucun rapport avec la conscience, pour se consacrer à la conscience. Et des fois, c'est plus solitaire de faire ce test de réalité avant de lâcher un emploi que de faire le grand saut, comme Marc de la Salle qui, du jour au lendemain, lâche un emploi très rémunérateur, dans son cas. Il est enseignant, professeur de français. Et il a tout lâché ça. Il n'y avait aucun indicateur que le nombre de ventes de conférences, de livres augmentait à ce moment-là. Il a tout lâché ça. Naturellement, ça n'a pas augmenté. Ça ne lui a pas permis de vivre décemment. Puis à un moment donné, même, il s'endettait. Donc là, aujourd'hui, c'est sûr qu'il est mort, mais je regarde sa vie avec le recul, puis mais c'est son expérience. À un moment donné, il faut que je me mêle de mes affaires. Moi, je n'aurais pas géré les choses ainsi. Par contre, j'ai trouvé plus intéressant une autre personne que la conscience qu'il y a pourrait le mettre dans le pétrin aussi, dans le sens que quelqu'un qui dit je me consacre à la diffusion d'une conscience que le public en général veut pas, que les médias ne veulent pas. Les médias de masse, on s'entend aujourd'hui, ils diffuseront pas une conscience supramentale prépersonnelle. Ils en ont rien à foutre. Et le public en général non plus. Fait qu'à un moment donné, ben, ça c'est pas nécessairement intelligent de ramer beaucoup dans une direction, alors que les gens ne rament pas non plus dans la même direction. Mais il y a une autre personne que j'ai trouvé brillant. Donc ça, c'est le cas réel. C'est une personne avec qui j'ai eu bien du plaisir à échanger avec elle. C'est que c'est un homme qui, dans le fond, travaillait pour les Forces armées canadiennes. Puis, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu d'être à l'âge de la retraite après 25 ans de service pour par la suite, dans le fond, faire son changement de sexe puis s'afficher ouvertement. Et comme lui, il a la finance de son côté, parce que quelqu'un qui a le droit à une pension de vieillesse, bon, ben là, tout est écrit. Bon, ben par la suite, ben dans le fond, il peut aller vers des gens ou des emplois, mais si il n'est pas accepté en tant que transsexuel, ben lui, il a sa pension pour fonctionner. Il n'est pas, dans le fond, dans la pauvreté comme Marc de la Salle qui a fait le grand saut ou certaines autres personnes dans le domaine de la conscience. Il a su protéger ses arrières avec intelligence. Puis il est en position de dire, ben, s'il y a quelqu'un qui ne me prend pas comme que je suis, ben, qui mange de la marde, il peut avoir cette capacité-là, cette affirmation-là, parce qu'il a les bases financières. Il a fait son temps un peu comme un prisonnier. C'est ça qu'il m'a raconté, que c'était pas agréable là, de travailler avec des gens dans les forces armées parce qu'ils sont moins ouverts d'esprit. Mais dans les faits, s'ils seraient affichés ouvertement alors qu'ils étaient avec les forces armées, c'est sûr qu'il aurait été sans doute victime de moqueries. Ça aurait sans doute mal tourné, là. Il y aurait des gens qui n'auraient pas été agréables avec lui, qui auraient rendu la vie difficile, puis probablement un calvaire, là. Donc, il faut prendre conscience des réalités. Quelqu'un qui est en Iran aujourd'hui, c'est pas nécessairement dans son intérêt de s'afficher dans la conscience prépersonnelle, alors qu'il côtoie dans son quotidien des fanatiques religieux où la culture est très stricte en matière de croyances à caractère spirituel. Donc, c'est un petit peu comme en Iran, si la femme ne porte pas le voile en disant qu'elle se tient debout pour faire face aux autorités religieuses, puis elle s'affiche ainsi. C'est sûr que les gens très conservateurs, ben ça a été le cas en 2022, là, il y a une femme qui s'est faite battre à mort parce qu'elle portait pas comme il faut le voile. Imagine ce qui serait arrivé si elle n'aurait pas porté de voile du tout. Là, on voyait un petit peu des cheveux dépassés, ils l'ont battue à mort. C'est un cas documenté, là. Mais bref, c'est pour vous dire que la personne peut pas faire ce qu'elle veut, peu importe l'endroit, puis les gens qui sont très intransigeants, au nom de l'affirmation vibratoire, puis le fait de ne pas être dans la peur, du rejet des autres, etc., ben ils en payent le prix, puis ils peuvent le payer pas à peu près. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller dans ce sens-là, ça leur appartient, sauf que ça a ses limites. Et c'est sûr que l'un des pièges qui guette tout individu qui se conscientise, ben naturellement, c'est d'avoir du mépris par rapport à d'autres personnes sous prétexte qu'ils sont astralisés. Dans certains cas, en effet, il y a des gens qui peuvent être astralisés qu'on peut critiquer, mais le point, c'est que si quelqu'un méprise un autre être humain, il n'est pas dans la contestation de l'astral derrière l'être humain qu'il manipule. Il y a une nuance très importante à faire parce que l'individu nouveau qui intègre réellement la conscience supramentale, il y a un principe d'amour par rapport à l'individu, mais il peut contester l'astralité au sein de l'individu. Et là, ça devient nuancé puis subtil. Donc, quelqu'un, par exemple, peut aimer un individu, lui vouer en tant qu'individu un respect, même si la personne a vu, par exemple, la déficience intellectuelle légère. Il ne s'en prendra pas par rapport à cette personne-là parce qu'il sait que la personne, dans le fond, par rapport à un contenu, un caractère intellectuel, n'aura pas la capacité de l'intégrer. Donc, à ce moment-là, c'est pas intelligent. Donc, il faut être capable de respecter l'individu pour ce qu'il est en tant qu'être humain, mais reconnaître aussi les limites qu'il peut avoir, reconnaître le fait qu'il est chevauché par l'astral. Mais si, par exemple, quelqu'un et dans un rapport où la personne déteste son enfant parce que la personne évalue que sa fille qui est jeune est totalement astralisée, ben à ce moment-là, puis lui, il sait qu'est-ce qui est bon pour elle, puis il cherche à l'imposer en tant que père, c'est pas intelligent. Il peut contester l'astral qui passe au sein de la psyché de sa fille. C'est subtil, mais pas nécessairement sa fille. Il faut faire preuve d'intelligence, de discernement. Moi, c'est sûr que j'ai une fille qui a près de 2 ans, puis des fois, elle va laisser les choses traîner, mais je ne demanderais pas de ranger sa chambre à ce stade-ci. Elle est encore dans une période d'intégration. Il faut composer avec ce que là ou la personne. Donc, où ce que est la personne, naturellement, il faut savoir faire preuve, à mon avis, d'une forme de respect, etc. Donc, le point que je veux faire dans le cadre de l'enregistrement aujourd'hui, l'un des dangers qui guette l'individu qui vit une forme de processus conscientisation, c'est l'intransigeance vibratoire par rapport aux autres, ou chercher d'ajuster tout le monde alors que c'est pas nécessairement son mandat objectif. Puis en même temps, ben il faut réaliser aussi que c'est pas intelligent d'en faire plus que le client demande, ou que le client ne demande pas. Oui, parce que des fois, des gens qui vont se dévouer pour d'autres personnes alors que c'est pas demandé, puis ils gaspillent leur énergie. Donc, j'ai déjà eu quelqu'un sur Internet qui m'écrivait des longs textes, puis lui disait, « Ben écoute, tu devrais t'occuper de ta vie d'abord au lieu de consacrer des énergies comme ça à m'écrire des longs textes par rapport à que ce soit l'esprit, la conscience, les prises de conscience qu'il fait. » Donc, il y a un adage qui dit d'ailleurs « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Donc, la personne, avant de faire des études compliquées là, sur le double, etc., qui s'occupe dans un premier temps d'avoir un emploi dans la société normale qui lui permet de s'alimenter, de vivre, d'être capable de répondre à ses besoins, de payer son logement à la fin du mois, des trucs basiques. Et ça, je l'applique à moi-même. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais fait le grand saut comme Marc Lassalle ou d'autres personnes en demande de la conscience pour me consacrer à faire des livres puis dépenser de l'argent. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, ben dans ton approche, t'es pas assez fonceur. Il me semble que tu devrais, par exemple, investir ou tu sais dépenser pour écrire, par exemple, avoir un beau site internet ou écrire des livres puis faire de la publicité pour vendre les livres, ainsi de suite. Faut que tu prennes des risques, faut que tu sois audacieux, apparaître en vidéo, ainsi de suite. Non. J'ai pas ça présentement, puis les gens que je vois dans l'environnement qui font ça, habituellement, c'est couronné par l'échec, puis naturellement, les gens qui, dans le domaine de la conscience, qui ont du succès, ou qui visent à diffuser une pseudo-conscience, devrais-je dire, ben c'est souvent des gens qui soit sont des gourous de secte, ou qui sont dans la mouvance de la dérive sectaire, ou qui vont exploiter les gens les plus faibles, les plus naïfs, les plus crédules. Donc, c'est souvent ce que j'observe, qui ont un certain succès. Ils vont mystifier les gens, etc. C'est pas mon optique. Fait que vu que je veux pas aller là-dedans, ben moi, je me sens plus proche, comme mentionné tantôt, la personne qui fait sa petite affaire tranquille, comme celui que la personne à qui j'ai discuté, qui a fait son. Qui a travaillé pendant plusieurs années dans les forces armées. Il avait des bons salaires. Puis par la suite, ben, il a pris sa retraite. Puis là, il peut s'afficher ouvertement comme qui est. Donc, c'est sûr, c'est intéressant parce que. Dans le fond, il y a les assises financières, puis s'il vit du rejet, ben il y a une marge de manœuvre pour faire face à ça. Tandis que l'autre personne qui prend tous les risques puis elle perd tout, ben c'est sûr que si je regarde le destin de Marc de la Salle ou d'autres personnes, ben moi, je trouve ça regrettable. Puis en même temps, ben il faut pas prendre pour acquis que si la personne, dans le fond, se consacre aux forces, que les forces, ça va être rendu au centuple. Moi, je viens d'un milieu catholique chrétien. Et par rapport à la religion catholique, il y avait une des croyances qui était véhiculée que si vous faites le bien, ça va vous être rendu au centuple. Puis les gens qui s'intéressent aux philosophies orientales, comme la notion de karma, donc si tu fais une bonne action, ça augmente ton dharma. Et à ce moment-là, tu vois un retour par rapport à ça. C'est de l'ordre de la croyance. C'est pas nécessairement des réalités pratiques. Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est les réalités pratiques. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire en lien avec ça? Ben, c'est de ne pas prendre sa vie même pour acquis. Lors du printemps passé, lors de l'année 2024, j'ai tout remis à jour mon testament. Puis ma compagne, elle a sa copie de mon testament, la version originale avec elle. C'est sûr que, dans le fond, par rapport à ça, on ne sait jamais quand le moment de la mort va survenir. Et pour ce qui est de mon frère, il est au courant aussi. Mon testament, j'y ai donné l'information. Il a accès aussi à une copie. Donc, deux individus significatifs dans ma vie ont l'information. Donc, je me tiens prêt à différentes éventualités. Je suis dans la perspective qu'il vaut mieux être prévoyant qu'être audacieux et naïf. Mais chacun vit sa perspective. Mais c'est intéressant de regarder les résultats de chacun des perspectives avec le temps, puis d'en faire l'étude, puis de regarder les constats qui se dégagent par rapport à ça. Donc, c'est sûr que dans la prévoyance, il y a aussi des limites, comme dans tout. Quelqu'un qui devient trop prévoyant, la limite, c'est de sombrer dans la paranoïa, puis plus faire confiance à personne, puis de s'isoler, puis passer son temps tout seul chez soi devant l'ordinateur, écouter des documentaires ou des téléséries sur Netflix ou passer son temps sur les réseaux sociaux. Donc, le danger de sombrer dans la paranoïa, c'est l'isolement, puis dans le fond, avoir une vision que tout le monde représente une menace potentielle. Mais le danger de la position contraire, c'est que tu t'imagines tout le monde est gentil, tout le monde est ami, puis se faire exploiter, puis manger la laine sur le dos, pour employer une belle expression québécoise, c'est-à-dire être dans la bonasserie. Une générosité excessive qui fait en sorte que la personne va prêter à un moment donné à son voisin des pinces. À un moment donné, il va prêter une échelle, il va prêter des clés, il va prêter ci, il va prêter ça. Puis le voisin, il ne redonne pas nécessairement ce qu'il prête. Puis à un moment donné, ben, la personne elle a besoin, par exemple, d'avoir accès à son escabeau pour changer une ampoule de lumière, puis elle ne l'a pas parce que l'escabeau est chez son voisin. Donc, il y a des limites à la générosité, puis il y a des limites aussi au manque de générosité envers autrui. Puis c'est de trouver son équilibre à soi. C'est ça l'intelligence, tout en prenant rien pour acquis. Donc, c'est ce qui complète cet enregistrement fait lors du mois d'octobre de l'année 2024. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis au revoir.